chemin perfide. Certains, vos chères mains furent mes guides. Si par à l'horizon lointain luisait un faible espoir d'aurore, votre regard fut le matin. Nul bruit sinon son pas sonore. Votre voix me dit, marche encore. Mon cœur craintif, mon sombre cœur, pleurait seul sur la triste voix.